Les Grecs l'avaient prénommée Gaïa. Les Incas Pachamama. Pour nous, c'est la Terre. Simplement la Terre, boule de lumière suspendue dans l'univers. C'est de ses entrailles que l'aurore a jailli. Vers quelle funéraille l'homme l'a conduit. Elle qui n'est que patience, elle nous a offert la vie. L'homme qui n'est qu'impatience bientôt aura tout détruit. Elle s'appelait Yerd chez les Germains et qui chez les Sumériens. Pour nous c'est la Terre, simplement la Terre, boule de lumière suspendue dans l'univers. Elle a inventé sereine les forêts, les océans. Mais tout au bout de la chaîne, l'homme court vers son néant. Elle ignore tout des frontières qui la blessent par nos guerres. Elle ne sait rien de nos sciences qui meurtrissent son silence. C'était Geb pour les Égyptiens, Papa pour les Hawaïens. Pour nous, c'est la Terre, simplement la Terre, boule de lumière suspendue dans l'univers. Le sang vomi d'un pétrolier glisse sur le flot des marées. Regard perdu, les oiseaux blancs meurent dans les sables gluants. Mais le sang de la montagne, c'est la lave d'un volcan. La Terre se venge et n'épargne ni l'homme ni ses enfants. Pour les Mongols, c'était Itugen. Pour les Aztèques, Coatlicue. Pour nous, c'est la Terre, simplement la Terre, boule de lumière suspendue dans l'univers. Suspendue dans l'univers, l'univers.